Chapitre 20e. Tous les regards se tournèrent vers la porte restée entrouverte, derrière laquelle avait disparu la grosse femme. Elle n'avait pas bougé. Sonia, cependant, était retombée sur sa chaise, hagarde. Ma fille, bafouilla Argoulian en se penchant vers elle, qu'as-tu? Tu n'es pas bien? Piébald, Meraki et Teddy, craignant quelque comédie de la part de leur victime, avaient froncé les sourcils. Ce fut avec soulagement qu'ils entendirent Sonia répondre d'une voix faible mais intelligible. Je suis bien, mon père, c'est un étourdissement, une faiblesse. Drôle de faiblesse, grommela Piébald à l'adresse de Meraki. Quand les femmes tombent en faiblesse, elles ne se lèvent pas. Des yeux, le médecin fit signe qu'il était bien de cet avis. Mon père, vous devriez renoncer à ce projet, reprit Sonia d'une voix aussi basse qu'un souffle. Tu es folle. Pense que tu as promis, que j'ai juré, ma fille. Voudrais-tu me faire renier ma parole? Grommela le marchand de pierreries en pensant à la guillotine. Sonia le regarda sans mot dire et une larme brûlante coula sur sa joue. Soyons sérieux, mademoiselle, observa un peu sèchement Meraki. Teddy, lui, était impassible. Un bruit de pas s'entendit. Voilà le clergyman, murmura Argoulian qui, encore plus que ses complices, avait hâte d'en finir. La porte située au fond de la pièce s'ouvrit complètement, livrant passage à un homme de haute stature, revêtu d'un ample manteau de drap noir, et qui tenait un Browning dans chaque main. L'homme du bateau-mouche, aboya Piébald hagard. Silence, et tous les mains en l'air, je vous abats, ordonna l'inconnu d'une voix sans réplique. Les quatre bandits s'étaient dressés. À trois, je tire, déclara l'inconnu en les couvrant d'un regard pesant. Un, deux, huit bras ensemble s'allongèrent vers le plafond. Sonia aussi s'était levée. Tout comme Piébald, elle avait reconnu le mystérieux individu. Blanche, la bouche entrouverte, les yeux fixes, les prunelles dilatées, elle regardait. Vous, docteur Meraki, médecin empoisonneur, reprit l'inconnu, vous allez prendre le cordon du store, le casser et ligoter vos amis, en commençant par l'assassin Edward Clams, dit Teddy, en continuant par le faussaire assassin Piébald. Et qu'on se dépêche, please, ou je tue. Je vous défends, voulut protester Meraki. Assez, le médicastre. Obéis, ou cela va devenir sérieux. Le docteur Epaminondas Meraki, à défaut d'autres qualités, possédait le sens de l'opportunité. Il comprit, et il réalisa, comme disent les Anglais, que son intérêt était d'obéir. Tant qu'on est vivant, il est possible de se tirer d'affaire. Une fois mort, tout est fini. Meraki voulait vivre. En silence, il s'approcha de la fenêtre, arracha le cordon du store et entreprit de ligoter Teddy. Les yeux d'Edgar Clams jetaient des flammes. Une effroyable rage faisait bouillonner son sang. Mais à 2 mètres de lui, il voyait braqué sur son front le petit rond noir du Browning. Meraki, livide, lui attacha ensemble les poignets et puis les chevilles. Ce fut ensuite au tour de Piébald. « Maintenant, docteur, ordonna l'inconnu, relevez les mains. Monsieur Argoulian va s'occuper de vous. Mais assez !» Argoulian tremblait comme une feuille au vent. Il lui fallut près de 5 minutes pour ligoter son ex-futur gendre. « Sur quoi, gentlemen, au revoir, » conclut l'inconnu, « car nous nous reverrons, je vous l'assure. »« Monsieur Argoulian, donnez le bras à votre fille et partons. » Ces gentlemen expliqueront au révérend Smooth qu'il voulait lui faire accomplir un faux à l'aide de faux papiers et de fausses déclarations. À bientôt, gentlemen. Argoulian ressemblait à une bête aux abois. Il voulut bafouiller quelques paroles que personne ne comprit. Il était à la fois indécis, stupéfié et terrifié. Les regards haineux de Teddy, Meraki et Piébald convergeaient vers lui et il devinait ce que pensaient ses complices. Ils allaient sûrement se venger. Il croyait qu'il les avait trahis, et impossible de les dissuader. Mais rester avec eux n'arrangeait rien. Il serait également perdu. À ses côtés, Sonia, blanche comme de la chaux, était immobile. « Venez prendre le bras de mademoiselle Sonia, » ordonna une deuxième fois l'inconnu. « Vous ne risquez rien de la part de ces gentlemen, je vous le dis. Venez. » Argoulian ne demandait qu'à être rassuré. Titubant, il glissa son bras sous celui de sa fille. « Passez, » fit l'inconnu nettement. Le marchand de pierreries obéit. Il était comme ivre. L'inconnu suivit le père et la fille et referma la porte à clé sur lui. Quelques secondes s'écoulèrent. « C'est ce qu'on peut appeler avoir été proprement trahi, » grommela Meraki, tremblant de rage. Avec Argoulian, cela ne m'étonne pas, murmura Piébal. Si vous m'aviez écouté, nous nous serions débarrassés du père et de la fille depuis longtemps. Pour jouer le rôle de Julia Jacobsen, n'importe quelle donzelle de Sceaux ou de Poplard eût aussi bien fait l'affaire. En traîtrise, vous vous y connaissez, gentlemen, observa âprement Teddy. Après ce que vous m'avez, inutile de se disputer, observa le médecin, qui avait à peu près reconquis son sang-froid. Oublions le passé. Notre intérêt à l'avenir est le même. Si l'un de nous était perdu, les autres ne recevraient pas des félicitations du jury, n'est-ce pas? Donc sortons d'ici pour commencer, après nous verrons. Ces paroles calmèrent un peu les deux bandits. Teddy, qui avait de bonnes dents, rongea rapidement les liens de Meraki. Celui-ci, une fois libéré, délivra ses deux complices. Dans la maison, tout était calme et silencieux. Le voyou qui nous a joué ce tour, grommela Meraki, aura sans doute éloigné le révérend et sa servante. Nous devons être seuls dans la maison. Filons. Cela nous évitera d'avoir à donner des explications. Piébald et Teddy, quelle que fût leur rage, comprirent tout le bien fondé de ces paroles. À côté du médecin, ils sortirent de la maison, traversèrent la cour, franchirent la porte de l'impasse et s'enfoncèrent à pas rapides dans le dédale de ruelles environnant la demeure du révérend Smooth. Par le tube, qui est le métropolitain de New York, de Londres, Par le tube, qui est le métropolitain de Londres, ils regagnèrent le centre de la ville et allèrent retenir des chambres dans un des immenses caravansérails qui avoisinait Piccadilly. La demie de 8 heures sonnait à peine. Les bandits se reposèrent pendant toute la matinée. À midi, ils allèrent déjeuner dans un restaurant voisin et passèrent le restant de la journée à se promener aux environs de Londres, ce qui leur permit de discuter à l'aise, sans crainte d'être entendus par des oreilles indiscrètes. Meraki exposa son plan, qui était très simple, dénicher quelques jeunes femmes misérables et sans scrupules et lui faire jouer le rôle qui avait été primitivement dévolu à Sonia Argoulian. Moyennant quelques livres sterling, il serait facile de trouver une femme disposée à se faire passer pour Julia Jacobsen et, sous ce nom, à épouser Teddy et à retirer les perles de la banque Forsmith. Une fois qu'on n'aurait plus besoin d'elle, on s'en débarrasserait sans attendre, de façon à ce qu'elle ne pût trahir. J'ai quelques relations du côté de Soho Square, conclut Meraki, et je suis persuadé que je trouverai vite parmi elles le numéro qu'il nous faut. Vous m'accompagnerez, monsieur Clams. Monsieur Piebald ne nous attendra à l'hôtel et il ne nous verra revenir que quand les poules auront des dents, ricana Piebald. Quoique ayant voulu être le gendre d'Argoulian, messieurs, je ne suis pas aussi bête que lui. Je ne vous lâche pas, un point c'est tout. Mais vous savez bien que vous nous retrouveriez à la banque Forsmith si nous voulions observer Meraki. Et après, le tour serait joué? Que pourrais-je prouver? Pour vous accuser, il faudrait m'accuser moi-même. Mais je ne suis pas si stupide. Non, je ne vous lâche pas. Mais suivez-nous donc, acquiesça Teddy, après avoir lancé au docteur Meraki un coup d'œil que Piébald ne vit pas. Après tout, c'est votre droit, mon cher Piébald, et cela vous permettra de constater notre parfaite loyauté. Parfaitement, appuya Meraki. De toute façon, mieux vaut ne pas nous quitter, expliqua Piébald, c'est plus sûr pour tous. Meraki et Teddy furent de cet avis, et l'on parla d'autre chose. Dans l'après-midi, Meraki, accompagné de ses acolytes, alla visiter quelques bars et salons de Soho. Mais il ne rencontra personne de connaissance, ce qu'il attribua au hasard. À la nuit, les trois hommes, après un bon dîner, regagnèrent leur hôtel pour se coucher. Leur voyage nocturne et les émotions qui l'avaient suivi les avaient fatigués. Quelques minutes seulement après leur retour à l'hôtel, Meraki rejoignit Teddy dans sa chambre. Edward Clams, qui l'attendait, n'avait pas fermé sa porte. Naturellement, souffla aussitôt le médecin, nous nous débarrasserons de ce jeune imbécile de Piébald le plus tôt possible. Demain, je m'occuperai de lui. Et que je vous annonce une bonne nouvelle. Ah, j'ai du flair. On aurait dit que je me doutais de ce qui s'est passé aujourd'hui. Dommage que je ne vous ai pas connu plus tôt. Vous seul êtes un homme et non pas une moule, comme Argoulian ou une vipère comme Piébald. Nous sommes dignes de nous entendre. Enfin, voilà l'affaire. Julia Jacobsen, la vraie, n'est pas morte. Elle est seulement folle. J'avais caché le fait à Argoulian et à Piébald dont je me défiais, afin qu'ils me crussent à leur merci. Une fois Piébald écarté, Meraki eut un sourire plein de sous-entendus sinistres. Nous revenons en France, nous ramenons Julia Jacobsen, vous la stylez, elle vous épouse et les perles sont à nous. Moitié pour moitié. Quelque chose de raisonnable, hein? Parfait. D'ailleurs, entre nous, docteur, elle était à peu près folle quand je l'ai amenée de l'île Maiden. Sans cela, elle... Mais je vous raconterai cela une autre fois. Elle est docile et tranquille, elle fera ce que nous voudrons, et nous aurons les perles. Partage égal, parfaitement, affaire nette, entre gentlemen. Les deux bandits se serrèrent la main. Demain, au déjeuner, M. Piébald recevra sa dose, conclut Meraki. Quant à Argoulian, sa fille, inutile de nous en occuper. Argoulian, je le connais, il ne songe qu'à sauver sa misérable peau. Et je me demande comment Autodrôle et vous, vous vous êtes associés avec cet imbécile. Tandis que les deux hommes échangeaient ainsi leurs projets, Piébald lui-même écoutait l'oreille collée à la porte de leur chambre, et il entendait tout. Livide, blafard, il s'éloigna soudain en entendant des pas dans le couloir. Mais il en savait assez. « Je me vengerai, oh, je me vengerai » gronda-t-il, frémissant d'une rage effroyable. « Les gueux maudits, pires qu'Argoulian, mais je veux les perdre tous, tous !»